Le chapitre 49 s'intitule « Bonheur en blanc ». Paul Arène a laissé une page blanche qui est parsemée de petits points, 18 en horizontal et 20 en vertical, sur toute la page. Voilà pourquoi il n'y a pas de texte à ce chapitre 49.